Je voudrais remercier Annick de m'avoir confié l'étude des quelques pièces de verrerie et de céramique qui ont été retrouvées par ses soins et par son équipe lors de la campagne de fouilles de 2014 du troisième pavillon du Levant de Marly, pavillon que vous distinguez ici sur le grand tableau de Pierre-Denis Martin qui est conservé à Versailles, que vous connaissez tous sans doute. Marly est cher à mon cœur parce que dès les années 80, j'ai commencé à y travailler un petit peu, aux côtés quelquefois de Marie-Amande Denis, que certains d'entre vous ont connu, qui a été le premier conservateur du musée et qui m'a fait découvrir la beauté à la fois du site et des constructions malheureusement disparues de Marly. Alors, au cours de cette campagne de fouilles, Annick et son équipe ont découvert des objets tout à fait intéressants, et donc je voudrais essayer de vous livrer un peu les quelques conclusions, mais aussi les questions qui restent posées encore à propos de certains objets en matière de datation ou de provenance exacte. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, donc je vous rappelle les lieux. Donc le pavillon dont il est question se trouve ici. J'espère que vous voyez sur l'écran ma petite flèche, la petite de la souris. Je n'insiste pas parce que Stéphane vient d'en parler, et puis je pense que Annick en a parlé ce matin. Vous revoyez l'extrême originalité, l'admirable plan de Marly, ce plan éclaté avec le pavillon royal au sud de la composition, dans la direction de Versailles, qui est par là, et tout cet axe central de bassin qui se déroule dans la direction de Saint-Germain. Marly était admirablement placé, quasiment à égale distance entre Versailles et Saint-Germain, ce qui a conduit Louis XIV à élever cette demeure de plaisance dans un endroit qui n'était vraiment pas fait pour. Tout s'y opposait, le manque d'eau, le manque, les déclivités très fortes du terrain. Tout ça n'a pas rebuté Louis XIV et il en a fait une demeure tout à fait enchanteresse, comme vous avez dû le comprendre depuis ce matin. Alors, Marly, la construction de Marly commence en 1678, au moment de la paix, après la paix de Nimègue, donc vraiment une période d'apogée du royaume et du règne de Louis XIV plutôt. Et les premières occupations, je parle sous le contrôle de Stéphane ici, des premiers invités de Marly, viennent à partir de 1686. C'est ça ? Très bien. Donc, les pavillons des invités sont destinés aux quelques invités très privilégiés du roi. Voici donc le pavillon du Levant, le troisième pavillon du Levant. Alors, on parle de pavillon du Levant ou de pavillon du Gouchant, selon l'emplacement où il se trouvait. Si c'était à l'est du côté de Louveciennes, je reviens à l'image précédente. Hein, vous avez, voilà, les pavillons du Levant se trouvent de ce côté-ci, puisque Louveciennes est par là, et le soleil se lève de ce côté-ci. Et les pavillons du couchant se trouvaient du côté du village de Marly, du côté de l'ouest où le soleil se couchait. Donc 12 pavillons, 6 de chaque côté, construits entre 1679 et 1684 sur le même modèle, hein, des cubes de 11 mètres de long à un étage. Alors voilà le lieu ouvert par les archéologues. Alors le pavillon, l'emprise du pavillon correspond, je crois, Annick, vous m'arrêterez si je me trompe, exactement à ce carré parfait qui est ici. Chaque pavillon comportait un rez-de-chaussée et un premier étage, composé de deux petites pièces, une chambre, un cabinet, plus deux pièces, une relativement importante, qui était la chambre, le cabinet, une petite pièce pour le domestique, et un escalier qui a subi des transformations d'ailleurs au cours des temps, permettait de monter au premier étage. Donc il y avait toujours deux invités dans chaque pavillon. Alors voilà des élévations intérieures du pavillon et l'élévation extérieure à la partie basse, élévation supérieure, qui sont les élévations que Stéphane Castelluccio a publiées, que Vincent Marotto également a publiées. Ce sont des documents qui sont conservés aux Archives nationales et qui vous montrent bien la similitude entre les deux niveaux et la présence de la chambre avec le lit parfaitement figuré. Alors, ce que les objets dont je vais vous parler ont été retrouvés ici, à cet emplacement, qui est la fosse des anses de chaque petit pavillon. Alors, je commencerai tout d'abord par vous parler des objets, des pièces de verrerie qui ont été retrouvées dans ce pavillon, ce troisième pavillon du Levant, parce que ils sont extrêmement intéressants et ils nous donnent des indications sur l'histoire du verre français au cours du XVIIIe siècle. Et, témoins et à leur tour de choses que l'on savait déjà par ailleurs, mais ils renforcent un certain nombre de convictions que l'on pouvait avoir à propos du verre français. Alors je remercie d'abord nos excellents photographes de la maison, à la fois Christian Millet et Didier Saunier, qui m'ont procuré par l'intermédiaire d'Annick ces photos. Donc voilà, l'ensemble des verres dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc à gauche, on appelle des verres à jambes, ou ce que Chardin appelait joliment des verres à pattes. Une bouteille, ici une petite bouteille, peut-être bouteille de vin, mais peut-être plutôt bouteille de liqueur, un flacon dont je vous dirai combien il est encore un petit peu énigmatique pour nous, et deux gobelets pour boire de l'eau, dont je vous reparlerai dans un instant. J'aurais commencé par vous parler des deux verres à jambes au calice alvéolé. Vous voyez que le calice de ces verres est un peu différent, d'ailleurs chaque verre n'est pas exactement du même modèle, et décoré d'un décor en creux, qu'on appelle un décor de nid d'abeille très souvent. Ce type de verre, c'est un type de verre qu'on connaît beaucoup en France dans les années 1720-1750. On en a retrouvé des quantités lors de fouilles archéologiques, aussi bien à Paris qu'en province. Et ce sont des verres qu'on appelle des verres fougères. Alors je vais vous expliquer dans un instant de quoi il s'agit. Vous savez peut-être que toute l'Europe, depuis la fin du XVe siècle, utilisait des verres de Venise, puis des verres à la façon de Venise. Le verre de Venise et le verre à la façon de Venise sont soufflés avec, bien sûr, de la silice, qui est l'élément essentiel, mais avec un fondant qui est la soude. Ce qui fait la caractéristique du verre de Venise, c'est la soude. Or, le verre de Venise va connaître un certain déclin, en France en particulier, à partir des années 1720. Et les verriers français, qui sont souvent les lointains descendants de verriers altaristes venus d'Italie, au XVIIe siècle, vont adopter un nouveau matériau. Il sera un verre qu'on appelle le verre fougère parce que dans sa composition, on trouve la présence de cendres de fougère qui contiennent de la potasse. Donc ce sont des verres potassiques. Alors, à quoi sert un fondant dans la fabrication du verre? Le fondant a pour but d'abaisser la température de fusion de la silice qui ne font qu'à 1500 degrés. Donc aujourd'hui, on fait du verre optique avec de la silice pure, parce qu'on n'a aucune difficulté à atteindre cette température. Au XVIIe siècle, c'était plus difficile, donc on ajoutait toujours un fondant pour abaisser cette température. Donc dans les verres que vous avez sous les yeux, qu'on commence à fabriquer en France, on peut dire à partir du début des années 1720, peut-être dès les années 1710, c'est pas tout à fait précis encore, mais c'est souvent grâce à la peinture d'ailleurs qu'on arrive à dater ces objets. Eh bien, donc le composant essentiel est la silice, mais le fondant utilisé, c'est la potasse extraite de ces cendres de fougère. Alors, pourquoi? Parce que ces verreries, eh bien, elles étaient toujours situées à proximité de forêts qui donnaient à la fois le combustible et les fougères donnant le fondant. Alors, on sait très bien comment on fabriquait ces objets, hein, au XVIIIe siècle. Les verres que vous avez sous les yeux sont composés, ces deux verres sont composés de la même façon, même s'il y a des nuances dans la jambe, dans le calice. Et ils sont composés de trois paraisons, comme disent les verriers, c'est-à-dire trois parties de verre travaillées séparément et associées à chaud par le maître verrier, ce qu'on appelle le calice ici, ensuite la jambe et ensuite le pied. Alors, je vous en supplie, n'appelez pas ces verres des verres à pied, hein, ce sont des verres à jambes. C'est très différent. Alors, on sait très bien comment on fabriquait ces verres, parce que la transmission s'est faite jusqu'à nos jours. Et puis, les planches de l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert relatives à l'article verri sont extrêmement précieuses et elles nous donnent des indications. Le verrier qui va cueillir, je vous donne des termes de verrier, une paraison, un louvreau du four qui souffle cette paraison dans un moule. C'est comme ça qu'on obtient ce décor d'alvéole. Ensuite, un gamin qui est un enfant, très souvent dans les verries. Le travail du verre, c'est un travail collectif, apporte une paraison qui va permettre de faire la jambe du verre. Tant que le verre est mou, visqueux, on peut le travailler comme on veut et lui donner les formes que l'on veut. Et dans un troisième temps, le gamin a apporté le troisième morceau qui permet de faire le pied du verre. Alors, on peut ramener, quand on fabrique un verre, on peut toujours le ramener vers le four, le ramollir et le travailler. On ouvre le calice du verre, on lisse le buvant, de façon à ce que les gens qui vont l'utiliser ne se coupent pas. Tout ça est bien connu, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a une véritable iconographie contemporaine qui montre ces objets. Alors, ces verres à jambes, à des corps de nid d'abeille ou alvéolés, ont eu un grand succès en France. On le sait grâce à l'archéologie, on le sait grâce à certains documents, notamment des inventaires après décès, et celui de Chardin en particulier, et on le sait aussi grâce à la peinture contemporaine. Et quand on mélange toutes ces informations, eh bien on arrive à avoir quelques convictions de datation qui sont extrêmement précieuses. L'histoire du verre est difficile parce que le verre est très difficile à dater, il n'y a jamais de date, ou très rarement sur les verres, donc... C'est vraiment en puisant à différentes sources qu'on arrive à des conclusions. Alors, ces verres, les verres que je vous ai montrés tout à l'heure, eh bien, ils sont tout à fait du type de ceux qu'on voit dans ce tableau célébrissime de Chardin, le buffet qui est conservé au musée du Louvre. Et on sait qu'ils ont eu un succès considérable en France. Et alors, Savary des Brûlons, qui a écrit un traité du commerce, nous dit dans son traité que les verres fougères que les Français pensaient que le vin français était meilleur à boire dans un verre fougère que dans un verre de Venise. Et alors ça a été quelque chose qui a contribué grandement au développement et au succès de ce verre fougère au détriment du verre vénitien, donc à la fin des années 20. Alors, il y a quelques années, à l'occasion de l'exposition qu'avait organisée Pierre Rosenberg, la seconde exposition Chardin de Pierre Rosenberg en 1999, il m'avait demandé d'étudier un peu les objets qui étaient dans les tableaux de Chardin, les pièces de céramique et de verrerie, et j'avais déjà pu établir ce rapprochement donc entre ce verre à nid d'abeille et des verres assez proches de ceux que vous avez retrouvés à Marly, qui ont été retrouvés dans les fouilles du Grand Louvre. Donc, ils sont des verres archéologiques dans un état sublime, pas cassé, impeccable. Et donc, c'est une chose qui est maintenant assez connue. Ces verres, on les voit encore dans les années 1730, puisque je vous montre ici un tableau que vous avez déjà vu hier, qui est le déjeuner d'huîtres de Jean-François de Troyes, qui est conservé à Chantilly, et qui est daté 1735. Donc, vous voyez, ils sont... Alors, je suis confuse, la photo n'est sûrement pas très bonne, vous ne les distinguez pas, mais on voit ces petits verres à jambes qu'on appelle des verres fougères, qu'on appelle aussi verres pivettes. Quelquefois, on trouve le terme de pivette. Les pivettes, en réalité, c'était les briquettes de bois qui servaient à alimenter le four. Et on voit qu'un usage tout à fait intéressant et qui n'était pas, certainement pas inconnu à Marly, vous savez sans doute qu'au XVIIIe siècle, comme au XVIIe siècle, le vin a été bu très frais, que ce soit du vin blanc ou du vin rouge. Les bouteilles donc, sont mises à rafraîchir dans des grands rafraîchissoirs, comme vous avez ici. Et puis, les verres eux-mêmes étaient individuellement mis à rafraîchir. Alors, au début du siècle, dans des bols en porcelaine de Chine, c'est le cas dans le tableau de Jean-François de Troyes, dans des petits rafraîchissoirs individuels en verre, quelquefois, eux-mêmes. On en connaît, il y en a dans les collections du musée du Louvre. Et cet usage perdurera jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et ici, je vous montre... Des objets tardifs, on est en 1781 et 84, un petit seau à verre individuel d'un des services de Marie-Antoinette, le service Perlet-Barbeau, et ici un seau crénelé. Donc on mettait dans ces seaux de la glace pilée et on mettait le buvant du verre à l'intérieur et la jambe dans les chancrures. Donc tout ça est intéressant parce que ce sont toujours des usages. À partir des objets, on peut déduire des usages, des habitudes, et ça rend évidemment ces objets beaucoup plus vivants. Alors, revenons aux verres de Marly. Ils ne sont pas exactement du même type que ceux-là, mais il y a une infinie variété de ce type de verre. Je vous montre quelques verres d'autres verres fougères à jambes qui sont conservés au musée des arts décoratifs à Paris. On voit qu'il y a beaucoup de variantes dans la forme du buvant, dans la forme de la jambe, qui peut être simplement un tube ou qui peut être en forme de balustre. Voilà, tout ça est assez connu. Voilà encore un exemple conservé au musée des arts décoratifs. Alors, venons-en maintenant aux deux gobelets que vous avez sous les yeux à gauche de cette photo. Alors, ces verres, pour moi, sont plus tardifs que les verres à jambes que nous venons d'étudier. Ce sont des gobelets à eau qui ont été soufflés dans un verre plus épais, qui ont été soufflés dans des moules, puisque ce sont ces moules qui ont permis d'avoir ce décor de gaudron ici sur le verre situé à gauche et ce décor de facettes sur le verre situé à droite. Là encore, les planches de l'encyclopédie nous renseignent. Vous voyez que ce verrier est en train de souffler un verre dans un moule. Donc le moule peut avoir des motifs en relief ou en creux et donner ainsi cette apparence de facette. Alors, le verre utilisé ici est beaucoup plus épais que le verre des verres pivettes que je vous ai montré précédemment, et il témoigne de l'évolution du goût de la clientèle française au cours du XVIIIe siècle. À la fin des années 1750, on abandonne ces verres fougères dont je vous ai parlé là, et on va utiliser de plus en plus un verre beaucoup plus épais, suivant cette fois-ci non plus la mode française, mais la mode de la Bohème et la mode de l'Angleterre. En Bohème, on a mis dès le XVIIe siècle au point une formule de verre beaucoup plus épais qui se prêtait à la gravure à la roue. Or, ni le verre de Venise ni le verre fougère ne pouvaient se prêter au décor à la roue. Le décor à la roue attaque le verre très fortement, donc il faut des parois épaisses. Donc en Bohème, on a pratiqué, c'est le premier pays où on a pratiqué ce décor à la roue. Et vous voyez qu'ici, dans la partie supérieure de ce gobelet, on voit des petits triangles qui sont gravés en réalité à la roue. Donc ça nécessite un verre beaucoup plus épais. Et pour obtenir ce verre plus épais, on utilise un autre fondant qui est la potasse dans le cadre de la Bohème, ou si on veut imiter les verres anglais qui deviennent très à la mode également à cette époque, on utilise le plomb. Et quand on fait des verres au plomb, eh bien on fait ce qu'on appelle aujourd'hui du cristal. Voilà. Et je vous rappelle que le verre au plomb a été inventé par le verrier anglais Ravenscroft à la fin du XVIIe siècle. Alors, on peut rapprocher, là encore, donc pour moi, ces verres sont plus tardifs, ils doivent dater vraisemblablement des années 1760, hein, puisque la mode se répand à ce moment-là. Et je trouve qu'on peut rapprocher l'un des deux verres de ce verre. Là encore, vous voyez, grâce à la peinture, on a des éléments assez intéressants de datation. Voilà une très mauvaise photo du panier de fraises de Chardin, mais qui est dans une collection particulière, qui date de 1761. Alors ici, les facettes ne montent pas sur toute la hauteur. Il y a des facettes dans la partie basse du verre, mais c'est un décor très, très proche du verre trouvé à Marly. Et on a un verre identique également dans le panier de prunes de Chardin qui est conservé au Louvre et qui est daté de 1759. Alors, voilà ici un objet extrêmement intéressant qui a été retrouvé lors de la fouille du pavillon du Devant. Un objet qui est encore un petit peu énigmatique, mais bon, on peut peut-être proposer des hypothèses à propos de cet objet. C'est un petit flacon quadrangulaire, très élancé, vous voyez, fermé par un bouchon de liège, et qui contient encore un liquide. Ce flacon a été soufflé dans un verre légèrement bleuté. Et Annie Ketzmann a fait analyser le contenu de ce flacon, ce qui est tout à fait intéressant, et on y a découvert des essences parfumées, mais peut-être destinées sans doute à des fins pharmaceutiques. Enfin, ce n'est pas absolument clair. Ou parfum d'ambiance. Alors c'est ce type de flacon soufflé dans un verre bleuté me fait penser beaucoup. Alors, je n'ai pas retrouvé d'objet identique pour le moment dans les collections publiques nationales, mais me fait beaucoup penser à la production des verriers de la Grésigne. La Grésigne, c'est une région qui est située dans le Languedoc, au sud du Massif central, où l'on a longtemps, jusqu'au XIXe siècle, soufflé des objets dans un verre bleu qui était assez impur. La couleur était volontaire, mais c'était aussi parce qu'on n'arrivait pas à obtenir un verre extrêmement transparent. Et je pense qu'on peut imaginer que cet objet provient de cette région. Là encore, on peut faire un rapprochement avec une peinture de Chardin, qui est le bocal d'olive. Vous voyez, en 99, j'avais aussi émis l'hypothèse que ce bocal d'olive avait été soufflé dans les verreries forestières de la Grésigne. le bocal d'olive date de 1760. Donc là, on est peut-être dans les mêmes années aussi que les deux gobelets que je vous ai montrés précédemment. Alors, vous remarquez peut-être, ça vous paraît quelque chose d'évident, mais que ce flacon est bouché par un bouchon de liège. Alors, il faut penser que l'usage du bouchon de liège, eh bien, c'est une nouveauté au XVIIIe siècle. Hein. Le bouchon de liège, il existait à l'époque antique. Hein. Les Grecs et les Romains fermaient les amphores d'huile et de vin avec des bouchons de liège. Et puis l'usage s'en est perdu au moment des grandes invasions. Et n'est réapparu finalement qu'à la fin du XVIIe siècle en Angleterre. Les Anglais ont contribué pour une part considérable au développement de la bouteille en verre noir, des bouteilles destinées au transport du vin, à la conservation du vin. Et ils ont également fait faire des progrès immenses au bouchage des bouteilles en renonçant à la pratique précédente qui était de boucher les bouteilles avec des chiffons de l'étoupe. Hein, là, je vous montre le beau tableau de Lubin Bogin qui est au Louvre où vous voyez cette bouteille clissée, c'est-à-dire que au XVIIe siècle, les bouteilles ne sont pas destinées à conserver le vin, à faire voyager le vin. Le vin voyage en barrique, vieillit en barrique, et on utilise les bouteilles uniquement au moment du service du vin. Et pour protéger ces bouteilles, on les recouvre d'osier et on les ferme avec ces bouchons d'étoupe. Il dit de vous dire que ces bouchons d'étoupe sont fort peu étanches et en tout cas pas du tout favorables à la conservation du vin. Donc l'utilisation du bouchon de liège et l'amélioration de la fabrication des bouteilles venues d'Angleterre a fait faire des progrès considérables à l'œnologie en général, puisque ça a permis de conserver les vins en bouteille beaucoup plus longuement et de les faire voyager. Alors le bouchon de liège, c'est quelque chose qui amuse toujours les gens du XVIIIe siècle. Je vous montre le déjeuner d'huître. Eh bien, le petit objet que vous voyez ici, c'est un bouchon d'une bouteille de champagne qui a sauté et qui fait le ravissement des convives. Voilà. Alors, dernier objet en verre, retrouvé dans le pavillon du Levant, cette petite bouteille en verre, donc, qui doit beaucoup donc, au progrès réalisé par les Anglais. Les Anglais donc, ont réussi à mettre au point des formes de bouteilles, d'abord en verre noir, très favorables à la conservation du vin. Et puis, les bouteilles de la première moitié du XVIIIe siècle sont très globulaires à la base. Encore, on parle de bouteilles en forme d'oignon, etc. Ici, cette forme assez élancée me laisse penser que cette bouteille est assez, relativement tardive aussi, peut-être des années 1760. Hein, peut-être pas plutôt, étant donné sa silhouette. Quand on regarde les livres sur les bouteilles de verre en France, on voit que l'évolution va vers un élancement des formes à partir de bouteilles très basses et très, très épaulées au début du siècle. Alors là encore, les planches de l'encyclopédie sont d'un très grand secours pour nous expliquer comment on fabriquait des bouteilles au XVIIIe siècle. Donc là, le souffleur est en train de souffler une paraison dans un moule situé en profondeur. Ensuite, alors comme le dit très joliment le rédacteur de la planche, il enfonce le cul de la bouteille avec une molette et ensuite il fait rouler la bouteille sur le marbre. Et puis il peut toujours ramener la bouteille vers l'ouvreau du four pour ramollir le verre et le dernier travail du verrier consistant à faire former la partie supérieure de la bouteille et le pincer une petite bague autour de cette partie supérieure. Alors ce genre de cette bouteille par sa petite dimension, elle est très basse, hein, j'ai vu, elle fait à peu près 12 ou 13 cm. Je me suis beaucoup demandé, je n'ai pas la réponse et j'aimerais avoir vos points de vue là-dessus. Est-ce que c'est vraiment une bouteille de vin ou est-ce que c'est pas un flacon à liqueur? Ces flacons à liqueur qu'on mettait à rafraîchir également dans des objets en porcelaine, en tout cas dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, des seaux à rafraîchir, vous voyez, munis d'une cloison intérieure et dans lesquelles, là encore, on mettait de la glace pilée et on faisait rafraîchir des petites bouteilles ou des flacons à liqueur. Je ne sais pas, ça, je serais heureuse d'avoir les points de vue des uns et des autres à ce sujet. Alors, j'ai encore combien de temps ? Bon, très bien. Alors, je voudrais vous parler maintenant des quelques pièces de céramique qui ont été retrouvées dans la fosse des Anges du troisième pavillon du Levant à Marly. Je vais vous parler surtout. Alors, il y a une pièce qui m'est très chère, ça, Annick le sait maintenant, parce que c'est une pièce tout à fait exceptionnelle par rapport à l'ensemble des céramiques trouvées ici, et c'est celle dont je vais vous parler le plus longtemps. Donc, on a trouvé un grand plat, décor chinois en faïence, une assiette à décor à la fois un mélange de décor rouennais et chinois ici, deux aiguières de forme casque et deux pots de chambre. Alors, parlons tout d'abord de ce grand plat qui est en cours de remontage, et j'en profite pour féliciter les étudiants de l'école de Condé qui ont participé au remontage de ces objets. Ce plat était en plusieurs morceaux, comme vous le voyez, et le travail qui a été exécuté est tout à fait remarquable. Alors, quand j'ai vu cet objet pour la première fois dans un état archéologique, je dirais, j'ai été évidemment alertée d'abord par la finesse de la pâte de l'objet, par ce décor chinois. Alors, vous savez que la Chine est chère à mon cœur. Ce décor chinois tout à fait intéressant, une sorte de dignitaire. Est-ce que c'est un marchand européen? Je ne sais pas. J'ai déjà vu cette scène quelque part, mais je n'ai pas retrouvé pour l'occasion. Accueilli, avec ce décor décentré à la manière chinoise, hein, avec des décors sur l'aile également, ces motifs de petits nuages qui font penser aux porcelaines de Chine de l'époque transition. Tout ça était fort intéressant. Et au bonheur, en retournant un tesson, on découvre une marque, un monogramme que j'ai rapidement identifié comme étant, c'est un L et un C, et c'est la marque d'un peintre et directeur d'une manufacture de Delft qui s'appelait Cléphus, et Lambertus Cléphus, et qui a dirigé une manufacture très célèbre à Delft qui s'appelle la manufacture du pot de métal. Alors, la manufacture du pot de métal, elle a une durée de vie assez longue puisqu'elle a été créée en 1670 et elle a été fermée en 1775, et Cléphus en a été le directeur de 1672 à 1691, ce qui nous donne une fourchette chronologique déjà plus précise et intéressante. Donc on est à la fin du XVIIe siècle, et cet objet peut donc avoir figuré dans le pavillon du Levant sous le règne de Louis XIV, en réalité, hein, à l'époque des premiers séjours, des premiers séjours à Marly. Alors voilà l'objet remonté, vous voyez, au miracle, c'est formidable. Et encore toutes mes félicitations à ceux qui ont réalisé cette prouesse. Et cet objet, il est décoré au revers, ça c'est très intéressant parce que les faïenciers de Delft, je vais en parler dans un instant, ont vraiment essayé de copier les porcelaines de Chine. Vous savez qu'il y a eu, toute une période. Au XVIIe siècle, c'était les Pays-Bas qui détenaient le monopole du commerce avec la Chine à travers leur compagnie des Indes orientales à la suite des Portugais. Et puis, il y a eu une période de fermeture du commerce avec la Chine, qu'on appelle l'époque de la transition, au milieu du siècle. Et cette fermeture a poussé les faïenciers delftois à copier les porcelaines de Chine. On n'arrivait pas à faire venir des porcelaines de Chine. Donc, on a beaucoup copié les modèles chinois, qui étaient très appréciés de la clientèle. Et on a copié quelque chose qui existe constamment dans la porcelaine de Chine, c'est-à-dire qu'on a réalisé des décors sur les revers des pièces. Hein, et c'est le cas ici. Alors, cette pièce, elle fait penser... Alors, j'ai mis à côté ici un grand plat circulaire qui m'a été signalé par Vincent Bastien, qui est une pièce de l'époque Kangxi, des années 1680-90. Et vous voyez, il y a des similitudes, hein, dans la manière de composer la pièce. C'est-à-dire les décors ne sont jamais centrés dans la porcelaine chinoise, hein, en bleu et blanc. Et c'est le cas ici, les motifs de petites barrières qu'on retrouve ici. Et puis, cette pièce, on peut la rapprocher des pièces d'époque transition. Alors ici, je vous montre un tableau hollandais de Pieter de Ring qui date de 1691. Et vous voyez ici une aiguière à décor transition. Et ces décors transition se retrouvent sur notre plat, notamment la façon de peindre les petits nuages ici, qui est très caractéristique des pièces de l'époque transition. Alors, Lambert Cléphus, il est connu des historiens de Delft et notamment du grand spécialiste hollandais de Delft, qui est Jan van Damme, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et au Rijksmuseum, vous avez un plat signé de Lambertus Clefus, qui est ici, et que j'ai souhaité mettre en comparaison avec le plat retrouvé à Marly. On a une forme identique, on a une aile identique, même si les décors sont assez différents. Ne regardez pas trop les couleurs, hein, parce que ce sont des photos. Celle-ci a été repiquée dans un livre, donc les couleurs sont toujours un peu transformées. Il y a peut-être moins de différence entre les bleus, mais on retrouve le même décentrement des personnages et cette composition très aérée qui vient de la Chine et qui est tellement, évidemment, tellement séduisante. Alors, quittons Delft. Dans les objets retrouvés dans le pavillon du Levant se trouvaient deux aiguières, là, ici, en cours de remontage. Alors, je vous le rappelle tout de suite, les aiguières sont des aiguières de forme casque. Les aiguières sont des objets de toilette. Hein, n'oubliez jamais ça, ce sont pas des objets, ce sont des objets pour se laver les mains, hein, qui étaient toujours accompagnés de bassins. Alors, les bassins n'ont pas été retrouvés, en revanche. C'est normal que ce soit des objets de toilette, puisque les pavillons des invités étaient des pavillons où on ne faisait que dormir. Hein, et on n'y prenait pas de repas, notamment. Alors, elles sont de forme casque. La forme de l'aiguille casque, elle est née à Rouen. Mais en regardant bien ces objets, il était évident que ces deux aiguilles n'ont pas pu être fabriquées à Rouen. Leur forme est beaucoup plus petite, beaucoup moins élancée, beaucoup moins ouverte que les aiguières de Rouen. Alors, je vais vous montrer plus précisément la première, donc l'aiguière à décor chinois, qui a malheureusement perdu son anse et qui me pose un réel souci d'attribution. Hein. Alors, je pense qu'on est dans les années 1790, 1720, époque où le décor chinois règne en maître dans plusieurs manufactures françaises de faïence. Mais pour moi, ce n'est pas Rouen, ce n'est pas un décor nivernais. Les décors chinois de Nevers sont beaucoup plus calligraphiques et sont assez différents. Donc, si quelqu'un parmi vous a une idée, je serais très heureuse de l'entendre. L'aiguière à décor de Lambrequin a pu être remontée presque totalement, puisque l'anse a été retrouvée. Là aussi, je ne crois pas du tout à une provenance rouennaise, bien que le décor de Lambrequin il a été créé à Rouen, la forme de l'aiguière casque a été créée à Rouen, mais les Lambrequins n'ont pas la finesse des Lambrequins rouennais. Et est-ce qu'on a affaire à un objet fabriqué dans la région à Paris ou peut-être à Saint-Cloud? Il est évident que c'était assez logique qu'à Marly, on se fournisse soit à Paris, chez les faïenciers parisiens, soit à la manufacture de Saint-Cloud, qui a donné par ailleurs des objets à beaucoup de résidences royales. Je vous montre ici, pour le plaisir, une aiguière rouennaise qui est conservée au musée de Sèvres. Vous voyez la différence de la forme. Hein. L'aiguière rouennaise est beaucoup plus imposante, elle est échancrée, hein, à la partie supérieure. La crosse est tournée vers l'intérieur. Il y a une ordonnance parfaite du décor de Lambrequin qu'on ne trouve pas dans cette aiguière, mais ce serait intéressant de poursuivre les recherches et de voir si on arrive à des conclusions plus précises. Et pardon, Annick, de ne pas vous donner une attribution très précise pour l'instant. Alors, un objet intéressant a été retrouvé également dans cette fosse d'aisance du pavillon du Levant, c'est cette petite assiette qui présente à la fois un décor de Lambrequin, donc venu de Rouen, mais aussi un décor chinoisan, un décor floral chinoisan dans le bassin, ainsi qu'au revers. Le revers est peint à la manière des porcelaines chinoises. Alors, là aussi, il faut exclure certainement la provenance rouennaise. J'en parlais un petit peu avec Cécile Dupont-Logier, qui est ici et qui connaît bien les faïences parisiennes de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle. Et elle penche fortement pour une provenance d'une manufacture parisienne qui reste à identifier aujourd'hui. Les Lambrequins sont très éloignés des Lambrequins rouennais. Et à Rouen, le décor est toujours très ordonnancé. Hein. Et par ailleurs, ces fleurs chinoises ne se rencontrent jamais dans la faïence de Rouen. Donc, il faut la provenance parisienne me paraît plus intéressante et effectivement assez satisfaisante. Je terminerai par cet objet, un peu prosaïque, mais c'est un objet qui est tout à fait intéressant. Alors, vous savez qu'on a, on a découvert déjà des pièces à Marly. Quand Bruno Benz a fouillé le cinquième pavillon du Levant, il avait déjà découvert des objets avec l'emblème de Marly, simplement, alors le M de Marly, cantonné de palmes et couronné. Ici, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que le nom de Marly est écrit en entier. Et Bruno m'a confirmé que c'était la première fois qu'il voyait ça. Il n'avait jamais vu un objet en faïence de Marly avec l'inscription entière du nom de Marly. Alors, c'est un objet intéressant. Est-ce que c'est un des objets livrés par, par le marchand du 6 en 1781 qui comprenait beaucoup de faïence rouennaise en décor bleu et blanc, il est question de 48 pots de chambre, de pots à l'eau et de l'orgeat, etc. On peut penser que cet objet provient de cette livraison, donc assez tardive, hein, en 1781. Donc. Et effectivement, si c'est bien un objet rouennais, le côté un peu relâché du décor s'explique. Hein. On est en pleine période de déclin des faïenceries rouennaises. Et donc, ce n'est pas très surprenant de voir, vous voyez, le décor peint à l'intérieur des palmes déborde largement, c'est pas très bien peint. Hein. Il faut bien le reconnaître, mais c'est des objets qui sont pleins de charme et tout à fait intéressants. Mais on est loin de la qualité du grand plat de Delft que je vous ai montré tout à l'heure. Alors voilà un détail plus précis. Alors vous savez que la maison du roi se fournissait en vaisselle auprès des marchands faïenciers pour les différentes résidences royales parisiennes notamment. Ici, vous avez un plat qui est conservé au Grand Trianon avec le thé de Trianon. On a retrouvé à Versailles, mais également, et ça Bruno me l'a confirmé aussi, à Marly, des pièces portant les trois couronnes. Donc, les trois couronnes ne disent pas quel est le nom de la résidence, mais nous indiquent que ce sont des objets à destination royale. Toute cette marque aux trois couronnes, on la retrouve sur l'orfèvrerie du temps. Non, puisque Bruno m'a dit en avoir vu à Marly. Vous avez retrouvé, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, ce n'est pas pour une résidence en particulier, c'est pour une résidence royale, c'est pour les collections royales, mais pas une résidence en particulier. Alors, ce type d'objet, cette assiette, par exemple, qui est conservée au château de Versailles, était donnée traditionnellement plutôt à Saint-Cloud. Hein. Ce sont peut-être des fournitures beaucoup plus anciennes du début du XVIIIe siècle, traditionnellement données à Saint-Cloud. Alors, je terminerai en vous disant que l'étude de ces objets, c'est toujours très intéressant, aussi bien à travers la verrerie, à travers la céramique. On voit une évolution hein, de ces productions, on voit une évolution du goût, des modes, des changements de goût également. Donc, en matière de verrerie, le triomphe du verre fougère qui tombe en déclin dans les années 60, qui est remplacé par le verre à la façon de Bohème ou à la façon d'Angleterre. Dans la faïence, on voit l'abandon des décors chinois qui règnent en maître jusque vers 1720. Donc tout ça confirme des choses qu'on savait déjà, mais c'est toujours intéressant d'avoir des témoins, des témoignages très, très précis des connaissances qu'on a par ailleurs dans les documents, dans les inventaires après décès ou dans les travaux des historiens. Et je vous montrerai pour finir alors une dernière image que m'a confiée Annick récemment. Est une assiette qui n'a pas été trouvée dans le pavillon du Levant, mais qui a été trouvée dans le pavillon royal, qui est une faïence fine d'époque révolutionnaire et qui témoigne des occupations, notamment de hussards, peut-être les hussards de 1789 qui ont occupé Marly, ou alors des occupations d'époque de Samuel, je ne sais pas exactement. Et alors la faïence fine, ça a été un drame terrible pour la faïence. La faïence, d'abord, a beaucoup souffert. La faïence de grand feu, les objets que je vous ai montrés jusqu'à maintenant, c'était des faïences de grand feu, a souffert de la concurrence de la porcelaine à partir des années 1750. Et le coup fatal lui a été porté par la production de faïence fine, venue d'abord d'Angleterre. Et les faïences fines étant beaucoup moins coûteuses que les faïences tanifères. Et ayant donné donc le coup de grâce à la fabrication de la faïence tanifère en France. Voilà, mais je vous remercie beaucoup pour votre attention.